Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Tout un monde. Aujourd'hui, les archéologues manifestent entre ministère de la Recherche et de la Culture leur total désaccord face à la montée d'une archéologie marchande. Parce que le passé est devenu concurrentiel, que les archives du sol, votre histoire, sont peu à peu bradées, les archéologues venus des quatre coins de France se mobilisent en ce moment dans le cadre d'une manifestation. Dans un autre ordre d'idées et dans les pages Sciences du Monde, Maurizio Tosi, professeur à l'université de Bologne et géant de l'archéologie orientale, annonce aujourd'hui et sous la plume de Gilles Van Cott ses activités d'espionnage au profit du bloc soviétique. D'autres suivront peut-être son exemple. Parallèlement, toujours est-il que 15 chercheurs viennent de se mobiliser pour publier un article majeur dans une grande revue américaine, PLOS ONE, un de ces articles qui nous fait entrevoir nos lointains ancêtres et nous rapproche un peu plus d'eux. Dans le Salon Noir aujourd'hui, un de ses co-auteurs, Jean-Denis Vigne, bonjour. Bonjour. Archéozoologue, habitué du Salon Noir, vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS et œuvrez dans le laboratoire archéozoologie, archéobotanique, société pratique et environnement au Muséum national d'histoire naturelle. À feuilleter votre bibliographie, rien ne vous échappe. On se souvient notamment du cochon de Chypre, du chat, de vos recherches dans les îles de Méditerranée. Aujourd'hui, entre chien et loup, le meilleur ami de l'homme. Peut-être pour comprendre le chien, nous faut-il regarder le loup. Le loup et son éthologie, sa horde qui, comme la hyène, est menée par une femelle, Jean-Denis Vigne. Eh bien, en effet, c'est un point majeur. Les loups s'organisent en société, chassent en groupe, avec des techniques diverses, variées, une intelligence de la chasse qui rappelle celle que l'homme est capable de développer depuis des millénaires ou a développé depuis des millénaires. Donc c'est un point commun, c'est un point de rapprochement et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte pour comprendre cette histoire. Jean-Denis Vigne, les loups, vous les avez approchés, ou du moins, ils vous ont approchés en Iran? Oui. Non, heureusement, je ne les ai pas vus de trop près. J'ai juste vu leurs traces qui étaient très impressionnantes dans le sable du désert. Est-ce qu'ils avaient laissé des coups de crocs dans des animaux? Ah oui, il y avait des crânes d'ânes sauvages qui étaient pratiquement consommés par ces loups. C'était très impressionnant. Oui. À quel moment l'homme domestique-t-il cet animal, le loup? Alors, la question paraît simple, mais ce n'est pas simple du tout. C'est pour ça que je vais commencer par... Alors, la question n'est pas simple, disons qu'elle est en débat. Hein. C'est vrai que je crois que maintenant tout le monde s'accorde sur le fait que le loup a été domestiqué au moins au paléolithique supérieur, autour de dates qui tournent entre 14, 15, 16 000, voire 17 000 avant l'actuel. Certains collègues ont proposé des domestications beaucoup plus anciennes, dès le tout début de l'Aurignacien, donc 35 000 en Sibérie, en Russie, en Europe occidentale. Le débat est ouvert, mais il est loin d'être tranché. Alors, les chercheurs publient, republient, comment ça se passe? C'est une sorte de compétition dans ces grandes revues. Oui, un peu trop. Là où vous publiez, justement, on citait PLOS ONE, mais il y en a d'autres. Un peu trop de compétition, parce qu'au fond, on est tous animés par la même volonté d'éclaircir cette histoire. Ce à quoi il faut veiller, c'est de ne pas privilégier trop tôt une hypothèse par rapport à une autre. Nous n'excluons pas une domestication ancienne. Nous attendons plus d'informations. En particulier, une information très importante qui nous manque, c'est qu'on connaît très mal la variabilité des loups du paléolithique supérieur. Variabilité morphologique, variabilité génétique. Et tant qu'on ne connaîtra pas bien cette variabilité, on ne pourra pas trancher. Il y a une jeune collègue qui vient d'être intégrée au CNRS, Myriam Oudadi, qui travaille là-dessus et on attend avec impatience ses résultats. Pourquoi la première domestication de l'humanité se porte-t-elle sur ce prédateur? Parce qu'il serait peut-être plus proche de nous, plus facile que d'autres à domestiquer? Plus proche de nous, bon, je l'ai dit, il y a effectivement une espèce de communion dans la chasse. Hein, une compétition aussi, peut-être même. Alors c'est ça, oui, probablement compétition ou complémentarité, parce qu'on peut imaginer aussi que des carcasses abandonnées par les loups ou par les hommes ont été exploitées par l'autre espèce. Et puis complémentarité, on peut très bien imaginer que très tôt, sans qu'il y ait pour autant domestication, il y ait eu un rapprochement dans l'acte de chasse, les loups rabattant le gibier et les hommes en profitant, et réciproquement, on peut imaginer de très nombreux scénarios. Le fait est que les loups sont des animaux qui s'adaptent très bien à de très nombreuses situations et que le rapprochement entre les chasseurs et les loups a pu se faire dans de multiples conditions. Je dirais que c'est presque naturel quand on regarde les différentes composantes de la faune du Paléolithique supérieur, c'est presque naturel que cette espèce se soit rapprochée de l'homme. Donc peut-être plus facile aussi à domestiquer par la même occasion. Alors plus facile à domestiquer parce que le loup est un animal social et que l'homme aussi, l'est aussi, et que automatiquement il est relativement facile d'imprimer cette empreinte que les éthologues ont bien définie il y a déjà une bonne cinquantaine d'années. Hein, cette empreinte sur de jeunes loups, c'est quelque chose qui est relativement facile, sans doute, à imprimer. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des sociétés de chasseurs-collecteurs qui ont de toute manière domestiqué cet animal. Oui, alors ça, François Poplin l'a dit il y a très longtemps déjà, le chien est l'animal domestique des chasseurs. C'est quelque chose qui ne s'est pas démenti, qui s'est renforcé au fur et à mesure des découvertes. C'est effectivement le premier animal domestique, le plus ancien, celui des chasseurs. Il n'est pas lié à ce basculement du mode de vie qu'est le néolithique, contrairement aux bovins, aux caprins, etc. Quoi qu'il en soit, deux écoles s'affrontent ou s'affrontaient autour de la domestication du chien. Les uns pensent à une origine bien sûr unique, d'autres à une domestication en de nombreux points de l'ancien monde. C'est bien ça à peu près ces théories, Jean-Denis Vigne ? Oui, il y a un débat effectivement à ce niveau-là. Chez les archéologues, il n'y a pas tellement de débat. Ça fait assez longtemps que les archéologues sont convaincus que la domestication du chien a été initiée à différents endroits du continent eurasiatique, au moins. Peut-être plus large, mais ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat. Mais là où il y a débat, c'est avec nos collègues généticiens qui, pour certains, ont voulu voir la domestication du loup en Extrême-Orient. D'autres, là, dans un article très récent, insistant sur le fait que le loup n'a pu être domestiqué qu'en Europe. Je pense qu'il faut là aussi garder une certaine prudence, garder en tête de nombreuses hypothèses. Il n'est pas évident qu'il y ait 50 endroits de domestication initiale du loup, mais il est à peu près certain, et d'ailleurs l'article dont on va parler plus en détail, va dans ce sens. Hein. Il ne démontre pas, mais il suggère effectivement au moins deux grandes zones de domestication. Visiblement, certaines données moléculaires confirmaient l'hypothèse d'un événement de domestication unique, semble-t-il. Et puis d'autres données moléculaires semblaient dire que ce n'était pas tout à fait ça non plus. C'est ça, tout ça est un peu compliqué, c'est des disciplines qu'on ne connaît pas bien. Mais effectivement, vous comprenez, la génétique des populations, hein, qui est l'analyse de l'ADN des populations modernes. La génétique des populations a énormément évolué. On a commencé, il y a 10 ans encore, on étudiait des petits morceaux d'ADN mitochondrial qui offraient une vision extrêmement réductrice de la diversité et de son histoire. Au fur et à mesure qu'on avance, d'ailleurs, c'est très bien dit dans certains articles récents, pas le nôtre, mais au fur et à mesure qu'on avance, on a une information génétique de plus en plus riche. Et on découvre que les interprétations qui avaient été données il y a 10 ans ou même il y a 5 ans doivent être revues. Pourquoi les archéologues pensaient-ils systématiquement que la domestication s'était faite en divers points? Ils avaient plus d'informations que d'autres? Alors, l'origine même peut-être des données archéologiques permettait de supputer cela. Disons que c'est pas une démonstration, mais le constat qui est assez ancien maintenant, hein, il date pratiquement des années 70 ou 80. Le constat est que on observe l'apparition de morphotypes domestiques de chiens à des dates qui se situent toutes grosso modo entre 12 000 et 15 000 dans des régions diverses, Proche-Orient, hein, où on a là de magnifiques démonstrations de la proximité entre le chien, les premiers chiens et l'homme, avec une sépulture, la fameuse sépulture de Malhara, où le jeune chien est enterré avec l'adolescent, en Europe occidentale, en Europe centrale, en Extrême-Orient. Les plus anciens chiens chinois connus sont datés aux environs de 12 000 avant l'actuel. Donc on a une espèce de dispersion dans un temps court qui suggère ce scénario d'origine multiple. Quels sont les traits physiques vraiment visibles qui font qu'un loup est désormais un chien ? Peut-être tout d'abord la petite taille ? Alors, pour l'archéozoologue, les traits physiques sont limités, évidemment, à la forme et à la taille des os, hein, c'est clair. La petite taille reste un critère extrêmement fort, pour peu qu'elle soit vraiment significativement plus petite que celle des plus petits loups. En effet, le loup est une espèce qui vit sur un territoire immense avec un tas de sous-espèces, un tas de variants, je l'ai déjà dit, hein, qu'on connaît mal, y compris dans les périodes anciennes. Et puis je crois que les loups du nord de l'Arctique sont beaucoup plus gros que ceux du sud. Il y a déjà cette dimorphisme, fameuse règle de Bergman, hein, qui fait que les loups sont plus grands, comme beaucoup de mammifères, sont plus grands au nord qu'au sud. La petite taille qu'on observe, par exemple, sur les canidés magdaléniens du sud-ouest de la France, ou même de la France en général, eh bien, cette petite taille, elle est vraiment plus petite que celle du loup, et c'est un très bon critère. Alors, après, on peut toujours se demander si cette petite taille n'est pas le résultat d'une très longue évolution, et que les premiers loups montraient des caractères morphologiques beaucoup plus fins qu'on a du mal à déceler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on maintenant met en œuvre des techniques de morphométrie beaucoup plus sophistiquées pour essayer de voir s'il n'y a pas des petites variations qui permettraient de déceler les phases initiales de cette domestication. Il y a aussi le raccourcissement de la mandibule ? Oui, alors les critères, alors en dehors de la petite taille, il y a le raccourcissement de la face en général, de la mandibule, puis un peu plus tard la réduction de la taille des dents, la réduction du volume crânien, bon encore faut-il avoir des crânes complets, et puis un certain nombre de modifications des proportions des os du squelette. Ça, c'est ce qu'on peut mesurer avec des méthodes classiques, mais il y a évidemment tout un tas de changement de morphologie fine qu'on ne pourra saisir qu'avec des méthodes beaucoup plus sophistiquées. La génétique est en train de bouleverser notre discipline. On connaît désormais le génome de l'homme moderne, Sapiens sapiens, celui aussi de Néandertal. On peut penser que les recherches paléogénétiques sur les animaux sont plus rares, bien sûr. Oui, enfin oui et non, parce que très rapidement, on a commencé à s'intéresser à l'histoire des bovins, à l'histoire des moutons, des chèvres, des chevaux, à travers la génétique des populations actuelles et à travers les molécules fossiles. Et je dois dire que on a quand même plus de facilité à étudier cette paléogénétique à travers les populations animales, même si elles ne nous parlent qu'indirectement de l'homme, parce que on a beaucoup plus de fossiles entre guillemets ou de sub-fossiles animaux que de fossiles humains. Des expériences ont montré que la couleur du pelage pouvait changer chez les animaux domestiqués. Il s'agit là de votre point de départ, Jean-Denis Vigne, le point de départ de votre papier. Oui, c'est le point de départ du papier, c'est le point de départ aussi de tout un mouvement de recherche qui a été initié il y a quelques années déjà. Je crois que les plus anciennes publications dans ce domaine concernent les chevaux, tout simplement parce que la couleur du pelage est un caractère phénotypique, donc qui se voit, qui est particulièrement sensible à la pression de prédation, à la pression de sélection. Si je change de couleur, je risque de me faire croquer plus facilement. Le mélanisme, hein, les bêtes toutes noires, ou l'albinisme, bêtes toutes blanches, ou tout autre variant de couleur qui dévie par rapport à la couleur standard adapté à la chasse pour les prédateurs ou à se défendre ou à se protéger ou se cacher pour les proies, eh bien, si ces variants-là sont évidemment soumis à une sélection extrêmement forte et en général, ils ne donnent pas naissance à des lignées pérennes. Donc si on voit apparaître un variant de coloration de ce type, et ça veut dire qu'on l'a chez un individu ou cinq individus, ça veut dire qu'il était présent chez de nombreux individus, donc qu'il a eu une certaine viabilité dans des lignées, et de fait, on peut l'interpréter comme une situation de ces animaux protégés par des prédateurs, donc une situation d'animaux domestiques. Par exemple, je prends un exemple, par exemple, le rose du cochon n'est pas celui du sanglier, bien sûr. Non. Parce que vous êtes aussi un spécialiste. ces deux animaux. Un peu moins, mais non, le rose du cochon, il nous vient d'une part, il leur vient, pas à nous, mais il leur vient, oui, hein, finalement, il leur vient d'une part de l'albinisme, hein, c'est-à-dire que les poils deviennent très clairs, très blancs, et du fait que le pelage se raréfie, et donc c'est la peau rose albinos qui apparaît. Donc ça, c'est une coloration qui, évidemment, dans la nature, si elle apparaît par hasard chez un sanglier, va pas lui permettre de vivre bien longtemps. Même chose chez les cochons noirs, hein, c'est pareil, les sangliers ne sont pas noirs, ils ont un pelage beaucoup plus qu'on appelle agouti, hein, comme les loups d'ailleurs, hein, qui leur permet de se camoufler et donc de résister à cette pression de sélection naturelle. Agouti, c'est ces couleurs qui varient un peu du blanc, du doré. Voilà, alors les poils agoutis, c'est un gène, ou peut-être même un ensemble de gènes d'ailleurs, qui détermine une coloration du poil variée sur sa longueur, qu'on qualifie souvent de jaune sauvage, hein. C'est la coloration jaune sauvage chez le loup en particulier, c'est pas tout à fait jaune, hein. Récemment, un article de paléogénétique montrait que des néandertaliens étaient roux. Dans le même ordre d'idée, il existe des gènes codant la couleur du pelage? Oui, tout à fait. Il y a de nombreux gènes qui codent la couleur du pelage. C'est un système de contrôle génétique qui est complexe qu'on connaît assez bien maintenant chez de nombreuses espèces de mammifères, d'autant qu'on a maintenant des génomes complets. Chez le chien en particulier, on a un génome complet du boxer dans lequel on a clairement identifié la position des gènes qui codent pour telle ou telle molécule intervenant dans la chaîne d'élaboration des pigments. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Jean-Denis Vigne, que vous êtes archéozoologue, directeur de recherche au CNRS et œuvré au Muséum d'Histoire Naturelle. Votre dernier article, paru dans PLOS ONE, porte sur la domestication et la couleur du pelage des premiers chiens. Ce que vous démontrez avec vos confrères dans cet article paru donc dans PLOS ONE, c'est que la couleur noire du pelage est strictement liée au chien, donc à un animal domestiqué? Oui. Alors, déjà, je complète le propos. Hein. Excuse-moi, Vincent, je complète le propos parce que moi, j'ai joué un rôle relativement mineur dans cet article, qui est un article de paléogénomique. Ce sont évidemment mes collègues de l'ENS de Lyon et de la plateforme PALGEN, Catherine Henny et Morgane Olivier, qui est la première auteure de l'article, qui ont joué le rôle majeur, ainsi que mes collègues de l'Institut de génétique de développement de Rennes. Et puis, un certain nombre de collègues de mon laboratoire, notamment Anne Tressé. Donc, ce qu'on a voulu faire à travers cet article, c'était d'une part essayer de pister ces variants colorés au début de la domestication, et puis de voir s'ils nous permettaient pas de contribuer à l'histoire de cette domestication et aux questions qu'on posait tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il y a plusieurs foyers de domestication dans l'Eurasie. Alors, pourquoi ce pelage noir? Alors, on n'a pas étudié tous les morceaux de gènes, tous les gènes qui contrôlent la couleur du pelage. On en a étudié deux en particulier. Un qui contrôle la mélanine, hein, le mélanine, donc la couleur noire, c'est la mélanocortine, le récepteur de la mélanocortine. Et puis un autre qui contrôle des colorations noires et qui s'appelle la bêta-défensine. Donc ces deux gènes, on les a étudiés en détail, on a étudié leur présence, et la première surprise a été de constater que, en ce qui concerne la mélanocortine, il y avait un certain nombre d'individus sur les 23 canidés, chiens ou loups, qu'on a effectivement réussi à caractériser de ce point de vue, on a remarqué qu'il y avait un variant assez rare dans les populations de chiens et de loups actuels, un variant qu'on appelle R301C, hein, pour la petite histoire. Et ce variant, on ne sait pas exactement ce qu'il commande comme couleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait capable de dire quelle était la couleur des bêtes qui le possédaient. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se rendre compte que ce variant était, semble-t-il, présent chez les loups d'Asie, hein, de Sibérie, et chez un certain nombre de loups ou de chiens d'Amérique, hein, donc ils sont probablement issus de ces ou de ce foyer de domestication, alors que ce variant est totalement absent de l'Europe occidentale, mais on le voit apparaître dès le Mésolithique, donc à des dates qui ne sont pas très anciennes, aux alentours de 7500, on le voit apparaître en Europe du Sud-Est. Et ça signifie que ce variant-là, qui est probablement un variant présent chez le loup, a été transporté de l'Europe centrale et que les populations d'Europe occidentale ne le possédaient pas ou alors qu'il avait une prévalence très, très, très, très réduite. À vous écouter, on parle bien sûr du pelage noir du chien, mais est-ce qu'il pouvait avoir d'autres couleurs d'autres... Là, en parlant de ce variant de la mélanocortine, je ne parle pas de chien noir, je parle de chien dont on ne sait pas exactement la couleur. Le variant en question, il n'a pas forcément une influence très forte sur la couleur du pelage. Il a été déjà mis en évidence chez le mammouth. On pense que peut-être il donnait un pelage un peu plus clair, mais ce n'est pas très clair. La question n'est pas très claire. Le pelage, on ne sait pas. En revanche, la coloration noire est liée au deuxième gène qu'on a étudié, dont une version mutée donne clairement un pelage noir. Et alors là, ce deuxième gène nous donne des indications très intéressantes également, puisqu'il montre que ce pelage noir est présent en Europe du Sud-Est chez des chiens très tôt, là encore, dans le courant du Mésolithique, voire au tout début du Mésolithique. Et environ 10 000 ans. Voilà, environ 10 000 ans. Et puis qu'ensuite, qu'on ne l'observe pas en Asie. Donc, ça pourrait être ce pelage noir, qui est clairement un pelage de lignée domestique, pourrait signer les domestications européennes et donc indiquer que les domestications asiatiques n'ont pas appliqué des lignées de ce type. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trouvé ce pelage noir chez un individu qui a une morphologie de loup dans l'âge du bronze du Turkménistan, à Ulugdépé, et que ça pose la question de savoir si on n'est pas là dans un processus de domestication tardive, hein, donc diversité des domestications dans l'espace, mais aussi peut-être dans le temps, ou alors d'un processus d'introgression, c'est-à-dire de croisement entre des chiens et des loups au fil du temps, qui complique considérablement le tableau. Jean-Denis Vigne, pour vous, cette couleur serait un des premiers effets de la domestication. Quelles en seraient réellement les causes ? Alors, la première cause, je pense, elle n'est pas forcément à rechercher dans les intentions des humains. L'apparition de variants, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, à un certain rythme. La chose qu'il faut surtout souligner, c'est que ces variants, dans les conditions naturelles, sont rapidement voués à extinction, alors que dans les conditions d'anthropisation auprès de l'homme, eh bien, ils vont être conservés. Alors, ils peuvent être aussi renforcés par leur singularité, évidemment. Hein. On peut aimer avoir des chiens noirs ou des chiens blancs parce que, pour des raisons diverses et variées, d'esthétique, de symbolique, etc. Arrivez-vous à subdiviser les chiens ? Peut-on montrer que certains appartenaient, par exemple, à des races très anciennes, d'autres très récentes ? Alors, là, si on parle des races modernes, pratiquement toutes sont très, très récentes. Hein, on l'a bien montré dans un autre article qui est sorti il y a un peu plus d'un an. On a bien montré que toutes nos races modernes sont issues des raciations 19e, 20e siècle. Alors, il y a quelques lignées qui sont en marge de l'ère de répartition des loups, justement en dehors pratiquement de l'ère de répartition des loups, des lignées très septentrionales en Eurasie ou en Amérique, ou des lignées méridionales en Afrique, par exemple, qui sont des lignées un peu plus anciennes et qui ont probablement perduré parce que, justement, elles étaient un peu en dehors de ce grand circuit de brassage des gènes qui a présidé à la naissance des races de chiens telles qu'on les connaît maintenant. C'est l'ouski qui va jusqu'en Amérique. Voilà. C'est bien ça. Oui, hein. Tout à fait. Oui. Et au niveau de la diversité régionale de ces chiens domestiques anciens, j'ai lu que donc certains n'avaient pas ce fameux R301C qui visiblement passionne les généticiens. Alors, qu'est-ce que ça montrerait ? Une diversification dans différents points de domestication, par exemple ? Oui, ça peut montrer ça, mais ça peut montrer aussi, puisque en l'occurrence, ce gène, ce variant R301C n'est pas ne semble pas être particulier aux chiens. Hein. Il peut avoir existé, préexisté chez le loup avec une fréquence relativement basse. Ça montre que, en particulier en Europe centrale et occidentale, là où il est absent dans toutes les lignées qu'on a analysées pour l'instant, elles ne sont pas encore très nombreuses, mais eh bien, ça montre peut-être que ces populations de loups ne possédaient pas ce variant. Et du coup, toutes les lignées de chiens qui ont été domestiquées à partir de ces populations de loups ne le possèdent pas. Revenons à une de nos questions de départ. Existe-t-il une diversité dans la domestication de ces chiens, ou tout au contraire, un lieu et une invention unique ? Moi, je plaiderais bien pour la diversité, non seulement à la lumière des arguments archéologiques que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que, on l'a dit, le loup, c'est un animal qui est très proche de l'homme, c'est un animal qui est répandu dans tout l'hémisphère nord, le nouveau et l'ancien, et c'est un animal, et il serait tout à fait surprenant que la domestication n'ait pas été inventée plusieurs fois, indépendamment les unes des autres, dans des lieux géographiques éloignés les uns des autres, et à des périodes différentes les unes des autres. Je me souviens que dans un article qui reste un grand article sur les chiens, le regretté Ethan Chernoff avait évoqué la possibilité d'une redomestication néolithique. Hein. Le chien paléolithique étant peut-être finalement une histoire qui s'est éteinte avec le nouveau mode de vie néolithique, et le chien étant redomestiqué occupe une nouvelle place dans la société, dans les sociétés d'éleveurs, nouvelle par rapport à celle qu'il avait dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. L'homme, en tout cas, portera différents regards sur cet animal. Il l'élèvera donc pour en faire un fidèle compagnon, parfois même sur ses genoux. Il le consommera aussi, et le consomme d'ailleurs toujours, d'autre part. Bien sûr. Cette rupture que nous mettons entre l'animal qu'on consomme et l'animal qu'on ne consomme pas, c'est une attitude culturelle qui nous vient du monde gréco-latin, qui est très forte chez nous, mais qui ne l'était pas dans le monde celtique. Hein. D'ailleurs, on consommait encore du chien il n'y a pas très longtemps dans certaines régions périalpines, en tradition de Suisse et Allemagne. Et on le consomme encore dans de nombreuses régions du monde. Et on se rend compte que tout au long du paléolithique, même lorsque le chien est domestiqué, comme au cours du néolithique, le chien a été consommé. Alors, est-ce que cette consommation était une consommation courante ? C'est peu probable, parce que les carnivores sont moins abondants et ne peuvent pas constituer une source de nourriture principale. C'était probablement des consommations à valeur, alors on va dire symbolique, hein, ou ritualisée, comme on le trouve d'ailleurs dans de très nombreuses sociétés traditionnelles aujourd'hui encore. Et puis le chien n'arrêtera pas de s'adapter. Par exemple, l'acquisition de pouvoir digérer l'amidon produit par les céréales, et donc bien sûr dès le néolithique, dès les premiers agriculteurs. Oui. Tout à fait. Ces animaux ont évolué dans le milieu humain, dans la domus, et ils se sont adaptés à l'évolution de ce milieu humain. Lorsque les animaux, à chaque fois qu'ils pouvaient le faire, ont joué un rôle de recycleur des déchets de l'agriculture, eh bien, ils ont adapté leur régime alimentaire. Cette capacité à digérer l'amidon, qui a été mise en évidence récemment par une étude de paléogénomique également, est probablement une adaptation à l'apparition de l'agriculture au cours du néolithique. Et puis rendons hommage à Pierre Bonte, très grand anthropologue du Maghreb, récemment disparu, et qui avait écrit un superbe article sur la cynophagie berbère dans une revue que vous dirigez, Jean-Denis Vigne. Oui, je suis très content qu'on puisse effectivement rendre hommage à Pierre Bonte, qui a apporté énormément dans de très nombreux domaines, en particulier dans celui de la consommation des chiens, lié, comme il l'explique dans cet article magnifiquement, à la couleur du pelage des chiens. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir sera consacré à l'Égypte et ses fouilles, avec Christiane Ziegler du musée du Louvre. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, attachée d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.